Adeline, le 4 septembre, toute ta vie se dessine. Mais il te tarde d'arriver. Ce lac constitue ta place. Adeline, entends-tu les appels qui cheminent? Bientôt tu pourras respirer. Du lac ne restera qu'une trace. J'ai donc laissé cette vie, ces bulles, ce son, ce liquide amniotique, c'est vrai. J'ai donc laissé cette vie, j'ai donc laissé dans cette une valse au milieu, par ce temps tout aussi pluvieux. Adeline, leurs ballerines embellissent notre mine. Le vent souffle dans une valse. Je laisse tomber le moi tout. Il n'y a pas que ça à voir. Le lâcher-prise embellisse notre mythe. Le vent souffle. Je laisse tomber le moi tout. Il n'y a pas que ça à voir. Le lâcher-prise constitue la route. Le vent souffle dans une valse au milieu, par ce temps tout aussi pluvieux. Adeline, leurs ballerines embellissent notre mine. Le vent souffle, je laisse tomber le moi tout. Il n'y a pas que ça à voir. Le lâcher prise constitue la route. Le vent souffle.